Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se réunit avec Sophie pour parler de nos découvertes ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. Et on a fait il n'y a pas très longtemps une spéciale oiseau marin. Et ben on fait aujourd'hui une spéciale psittacidée. Comment ça va, ma chère Sophie ? Eh bien, écoute, ça va plutôt bien. Une petite coupure de courant aujourd'hui, mais on va y arriver. Éclairé à la bougie pour faire cet épisode du Courrier de la Sterne. Ah, on est motivé. Motivé pour nous parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, comme tu l'as dit dans cette introduction, on va parler de psittacidés, donc c'est tous les perroquets. Et moi, j'ai envie de vous parler plus particulièrement de Lara de Lyre, que j'imagine que vous ne connaissiez pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît, qui est un très bel oiseau, au demeurant, hein, il est tout bleu, avec un petit peu de jaune autour de l'œil et sur la face, et il est un petit peu plus petit qu'un Lara hyacinthe, pour ceux qui connaissent. Voilà. On l'appelle aussi Lara cobalt, de par sa jolie couleur bleue. Et moi, du coup, je vais parler du perroquet, le... beaucoup plus connu, pour le coup. Beaucoup plus connu, peut-être pas pour les bonnes raisons, puisque c'est un perroquet en danger critique d'extinction. Mais connu pour ses frasques et pour ses mimiques. Je vais parler du Strigops cacapo. Mais avant de parler du cacapo, honneur au roi Lyre. King Lyre. C'est parti. En réalité, il ne vient pas du nom de ce roi, il vient du nom de l'ornithologue et poète britannique Edward Lear du 19e siècle, effectivement. Mais c'est vrai que c'est exactement la même orthographe, sinon. Bien vu. Alors, cet oiseau, Lara de... Merci. Pardon ? Merci. Attention, non mais il y a de la connaissance, hein, il y a de la connaissance... Mais tu sais... Tu sais que je la prépare depuis le fait que tu m'as dit qu'on allait parler d'Ara Lyre, hein, d'Ara de Lyre. Hein, Attention c'est... Oui, d'ailleurs, pour ceux qui... C'est vrai que moi, je l'ai en face de moi, l'écriture en question, mais pour ceux qui ne l'ont pas, ça s'écrit L-E-A-R. Hein, c'est pas l'oiseau lyre, comme vous connaissez peut-être, les autres paradis, tout ça, non, pas du tout. C'est lyre, L-E-A-R. Comme le roi, d'ailleurs, pour boucler la boucle. Voilà, exactement. Donc, ce petit ara, parce que c'est un ara, hein, comme l'ara hyacinthe, qui appartient d'ailleurs au même genre, Anodorhynchus, cet ara de Lyre a eu quelques soucis, parce qu'il est encore classé aujourd'hui en tant qu'espèce en danger d'extinction, alors plus en danger critique d'extinction, mais toujours en danger d'extinction. Cet ara de Lyre, dans les années... alors au siècle dernier maintenant, hein, on est au XXe siècle, mais au XXe siècle en tout cas, il y avait à certaines périodes moins d'une centaine d'individus d'ara de lyre qui étaient encore vivants dans la nature. Et c'était un peu un problème parce qu'on était en train de se demander si la population n'allait pas s'éteindre. Et fort heureusement, grâce à des actions de conservation durant tout la fin du siècle dernier, puis le début de notre siècle à nous, on a vu le nombre de ces aras de lyre drastiquement augmenter jusqu'à arriver à une population d'à peu près 1600-1700 individus dans la nature aujourd'hui, ce qui est quand même assez incroyable quand on pense qu'il y avait à peu près 70 individus en 1987. On revient de loin. Okay. Et oui. Voilà, donc on revient de loin. Et alors ce petit ara de lyre, qui habite au Brésil d'ailleurs, a eu quelques soucis, ce qui est d'ailleurs une petite histoire intéressante à propos des abeilles. Dernièrement, pour encore augmenter les populations d'ara de lyre, le but était de s'assurer qu'ils aient accès à des sites de nidification qui leur soient propices. Et en l'occurrence, cet oiseau niche dans des sortes de petites falaises, dans des trous dans ces falaises. Et le problème, c'est que le Brésil, à la fin du siècle dernier, a fait introduire une nouvelle souche d'abeilles qui avaient été croisées entre des abeilles africaines et des abeilles européennes pour avoir une souche qui soit un peu plus agressive et qui puisse résister un peu mieux aussi au climat un peu plus rude du Brésil comparé à notre abeille européenne. Et donc elle avait créé la fameuse abeille tueuse qu'on connaît encore sous le nom d'abeille africanisée. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. Et le problème, c'est que cette abeille tueuse est donc beaucoup plus agressive. Et surtout, cette abeille tueuse a réussi à s'échapper de la captivité pour se répandre dans la nature et s'adapter très très bien au continent américain. Alors, à l'Amérique du Sud, mais aussi à l'Amérique du Nord. Hein, ça remonte petit à petit vers le Nord, ces colonies d'abeilles d'abeilles mixtes. Alors, le problème, c'est que ces abeilles-là nichent aussi dans des anfractuosités de rochers, et en l'occurrence, elles étaient en train de coloniser au Brésil les sites de nidification de la rat de lyre, qui du coup nichait dans les mêmes falaises. Et ils ont dû essayer de déloger toutes ces colonies d'abeilles, alors grâce à certaines phéromones qu'ils ont pu utiliser, et puis deux, trois petits trucs et astuces avec des boîtes pièges qui ont été posées pour les abeilles, etc. Donc il y a pas mal de choses, mais ils ont réussi à virer les abeilles de ces falaises pour pouvoir laisser à la rat de lyre toute la place possible pour qu'ils puissent se reproduire, ce qui a encore augmenté le succès reproducteur et ce qui a encore augmenté les progrès dus à ces actions de conservation, parce que ça, c'est effectivement une action de conservation qu'on peut prendre, essayer de virer en l'occurrence cette espèce qui est une espèce invasive, hein, vu qu'elle n'est pas là originellement, pour laisser le champ libre aux espèces qui sont là originellement, en l'occurrence la rat de lyre. Donc ça, par exemple, ça a aidé à la conservation de cette rat de lyre. Et plus récemment, et c'est la raison pour laquelle je vous ai voulu en parler aujourd'hui, c'est qu'on a eu notre premier succès reproducteur d'arats qui ont été élevés en captivité et ensuite relâchés dans la nature, alors par un parc zoologique qui s'appelle le Loro Parque, qui a ses oiseaux depuis très longtemps. Alors je crois que ça fait au moins une trentaine, voire une quarantaine d'années qu'ils les élèvent en captivité. Ils ont à peu près une population d'une cinquantaine d'individus en captivité, et donc ils font de la repro, et leur but était d'aider à la conservation de cette espèce, hein, comme beaucoup de zoos le font, et ensuite de les relâcher dans la nature, d'avoir tout un programme de conservation qui leur permettait de relâcher ces oiseaux dans la nature. Et sauf que, donc ils les ont relâchés notamment l'année passée, et sauf que c'est pas, enfin c'est bien, pas dire le contraire, c'est déjà bien de relâcher des oiseaux dans la nature, c'est encore mieux si derrière ils se reproduisent, parce que le succès de votre opération de conservation dans ces cas-là, quand vous relâchez des animaux dans la nature, le succès se mesure seulement lorsque votre animal a réussi à faire une reproduction qui est efficace et qui a donné effectivement de nouveaux individus qui pourront à leur tour se reproduire, etc. Parce que si vous relâchez juste des oiseaux comme ça dans la nature et que ils se reproduisent jamais, le succès de votre opération de conservation, il est plutôt nul en fait. Donc ça ne sert pas à grand chose. Donc là, on a eu cette année notre première reproduction à partir d'un couple de ces oiseaux qui avaient été relâchés et qui ont réussi à mener à terme 3 poussins cette année, ce qui est quand même pas si mal. Donc voilà, un nouvel espoir encore pour une espèce qui est encore en danger d'extinction. Et ça, je trouve quand même... c'est une très bonne nouvelle et j'avais envie de vous en parler. C'est une très très bonne nouvelle, en espérant que ces trois oisillons survivent, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Après, je sais pas s'ils sont suivis drastiquement comme peuvent l'être les cacapos, on va en parler d'ici quelques instants, lorsqu'ils sont relâchés à l'état sauvage. Je sais pas par exemple s'il y a des incubations qui sont réalisées pour les œufs de ces oiseaux, ou s'il y a un suivi très très strict qui est fait. Donc, c'est comme sur toutes les populations sauvages. Vous pouvez faire un peu du monitoring sur la population sauvage, mais on peut pas non plus s'approcher trop. Il faut essayer de rester à distance suffisante pour ne pas troubler la reproduction des colonies qu'on a installées dans la nature, ou voire même des oiseaux qui ont été relâchés. Parce que même s'ils connaissent un peu l'homme, vu qu'ils ont été élevés en captivité quand même, On essaie de les troubler le moins possible pour ne pas avoir de problème après, parce que tout ce qu'on peut faire comme action à côté, toutes nos interventions à nous en tant qu'humains sont toujours un stress pour les animaux, qu'ils soient habitués à nous ou non, et donc c'est un stress qui peut tout à fait influer sur le succès de la reproduction derrière. Et on essaie complètement d'éviter tout ça, donc on va observer, mais à distance. Donc généralement, dans ces cas-là, on n'a pas la mainmise, c'est les oiseaux, c'est les parents qui vont gérer leur repro tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'incubation de la part de l'homme, il n'y aura pas d'aide à ce niveau-là. Si vraiment on voit que ça ne se passe pas bien pour certaines espèces, j'en parlerai peut-être un jour, mais par exemple chez les vautours, on va récupérer des œufs, et dans ces cas-là, si on voit que ça se passe pas bien, ben peut-être qu'on va s'occuper des oisillons, s'ils ont été abandonnés, ou si les œufs ont été abandonnés et qu'on sait qu'ils sont fertiles, on va peut-être les récupérer, voilà. Mais sinon, on n'intervient pas directement. Simplement, en termes de succès reproducteur, pour être bien sûr que voilà, les couples qui se sont formés amènent leurs poussins à terme et toute la place nécessaire, qu'on ne vienne pas les embêter pendant cette période qui est critique et qu'on leur laisse vraiment le champ libre pour faire les choses comme il le faut. Justement, j'en ai parlé d'ici quelques instants avec le Strigops cacapo. Ce sont les mêmes personnes qui se sont occupées aussi de relâcher les aras de Spix, puisque on a des aras de Spix qui ont été relâchés l'année dernière. On en avait parlé avec Victor dans la première saison du Courrier de la Sterne. Donc Ara de Spix, qui était donc pareil, originaire du Brésil et puis de la forêt amazonienne en règle générale, et qui, pareil, avait disparu à l'état sauvage, cette fois-ci à cause du braconnage principalement, et des individus avaient été relâchés. Je vous invite à réécouter l'épisode qu'on avait fait avec Victor lorsqu'on avait parlé de cette bonne nouvelle. Mais donc c'est pas les mêmes personnes qui s'en occupent du coup. Alors il me semble que non, parce que là c'est l'Europarque Foundation qui est en collaboration avec le gouvernement brésilien pour cette action de conservation, mais je crois pas que pour l'Ara de Spix ce soit les mêmes personnes. Il me semble que c'était quelqu'un de différent. Après ils peuvent pas non plus. L'Europarque c'est un des plus grands zoos au niveau mondial, qui a vraiment une collection d'oiseaux assez incroyable et qui fait beaucoup d'actions de conservation de ce type. En milieu naturel. C'est possible, je crois pas qu'ils aient d'aras de Spix dans leur collection, mais c'est possible qu'ils aient participé d'une manière ou d'une autre, mais ça m'étonnerait. Ouais. Mais bon, en tout cas pour cet ara, de lire l'un des problèmes, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais l'un des problèmes, c'était aussi un peu le braconnage comme pour l'ara de Spix, mais le problème majeur qui a conduit à sa disparition, c'est que l'oiseau était considéré comme quelque chose à tuer parce qu'il venait s'attaquer aux plantations de maïs. Et il venait en groupe, parce que vous savez que les aras, ça vit en groupe, familiaux, enfin bref, ça peut avoir plusieurs dizaines d'individus dans un seul groupe. Alors vous imaginez un groupe comme ça qui s'abat sur un champ de maïs, il n'y a plus grand chose. On en avait parlé lorsqu'on avait évoqué la conure de Californie. Exactement. Qui avait été chassée pour la même raison. Oui, exactement. Mais disons, on fait beaucoup d'allers-retours sur les anciens épisodes, là, c'est bien. On fait beaucoup d'allers-retours sur les anciens épisodes parce que tout se connecte, tu le sais bien. On va parler d'un oiseau désormais. J'aime beaucoup cet oiseau. Je l'adore de tout mon cœur. C'est le Strigops cacapo. Ma vie, ça. Voilà. On parlait de perroquets, bah voici le plus fabuleux d'entre eux, 4 kilos, le plus lourd de tous les psittacidés du monde, un oiseau incapable de voler. Alors c'est pas le seul psittacidé à plus voler, il y en a une deuxième espèce dont je ne me rappelle pas le nom, mais je sais que c'est pas le seul. Alors il pouvait voler par le passé, on estime qu'il pouvait voler par le passé, sauf que il a perdu la capacité de vol parce qu'il n'était plus soumis à la prédation notamment. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les oiseaux sont devenus beaucoup plus gros et ont beaucoup plus de difficultés à voler, voire aucune facilité à voler du tout. Mais certaines fois, C'est un conservateur néo-zélandais qui me racontait cette anecdote. Certaines fois, les kakapos montent dans les arbres, s'élancent du haut des branches et pour s'envoler. Et en fait, ils volent pas, ils tombent comme des pierres. Et c'est très drôle à voir. Oh mon Dieu. Pauvre bestial. Donc voilà, mais rassurez-vous, ils ne se font pas mal. Bref, le kakapo, c'était un oiseau qui était en danger très très critique d'extinction. Il faut savoir que le programme de conservation de l'oiseau a commencé en 1894. En 1894, on commençait d'ores et déjà à se préoccuper de la situation du kakapo. Mais à l'époque, on n'avait pas les méthodes pour pouvoir s'occuper de ces oiseaux-là. Donc à chaque fois que on capturait un oiseau, qu'on essayait de le manipuler pour justement qu'il parvienne soit à aller d'un endroit à un autre, soit à se reproduire, eh bien on avait des choses qui étaient catastrophiques, ce qui fait que on est tombé à une quinzaine d'individus à l'entrée des années 1980. Et encore, on est tombé à une quinzaine d'individus parce qu'on avait retrouvé des individus à l'état sauvage. On pensait que l'espèce était définitivement éteinte quand on a retrouvé, alors je ne sais plus si c'est dans le nord ou dans le sud de la Nouvelle-Zélande, mais une population d'oiseaux qui était persistante, très faible, mais persistante. Et c'est comme ça qu'on a pu, entre guillemets, conduire et construire le programme de conservation de l'oiseau. Cet oiseau, aujourd'hui, il est présent donc en Nouvelle-Zélande sur deux îles principalement, dont j'ai oublié les noms, mais je crois qu'il y a Anchor Island, si je ne dis pas de bêtises. Et la deuxième, c'est St. John's, si je mes souvenirs sont bons, mais je peux peut-être me tromper. Anchor Island, en tout cas, ça c'est sûr. Et ils sont au nombre incroyable de 207, ce qui fait que il y en a pas beaucoup, mais qu'on est content quand on a des nouveau-nés chez les kakapos. D'autant que les kakapos ont un cycle de reproduction très pénible, pour ajouter évidemment à la difficulté de pouvoir les conserver, puisque ce sont des oiseaux qui se reproduisent tous les 2 à 4 ans. Donc, disons c'est que pratique. C'est pas très très pratique lorsqu'on a un oiseau qu'on veut sauver de l'extinction, d'avoir justement une espèce qui se décide d'avoir des petits tous les 2 à 4 ans. Alors ça a plusieurs explications. La principale, c'est que le cycle de reproduction du kakapo est très lié à la floraison d'un arbre qui s'appelle le rimu et dont le kakapo raffole des baies de rimu. Et c'est pour ça justement que l'oiseau a une reproduction très, asymétrique. Et justement, parlant de reproduction, il y a une étude qui est sortie en février dernier, qui est conduite par la Kakapo Recovery Team, qui s'occupe grosso modo du programme de conservation du kakapo, mené par Andrew Digby, que vous pouvez d'ailleurs suivre sur Internet et les réseaux sociaux. Il donne de nombreuses informations sur les kakapos, notamment lors de la période de nidification. Et cette étude, elle est assez intéressante parce qu'elle met en évidence plusieurs points concernant la conservation, mais aussi l'impact de la conservation et de la gestion de cette conservation sur les couvées des kakapos. Et ils ont découvert, par exemple, que des couvées avaient moins de chances d'être fertiles si le père était élevé à la main, par exemple. Ah, intéressant, ça. Si, au contraire, les couvées étaient moins fertiles si elles étaient réalisées par un seul mâle en particulier. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais chez les kakapos, il y a ce qu'on appelle un système de lek. Le lek, qu'est-ce que c'est ? C'est, en gros, vous avez plusieurs mâles qui vont creuser des petits trous à même le sol, et la femelle va passer au milieu de ces mâles, et elle va choisir le mâle avec qui elle veut s'accoupler. Alors, le kakapo émet ce qu'on appelle un booming, c'est le cri du kakapo, et ce cri, finalement, sert notamment à attirer la femelle. Donc, en gros, la femelle est dans un supermarché, et elle choisit le mâle avec qui elle veut s'accoupler. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a aussi une... et ça, c'est quelque chose... C'est une théorie qu'ils ont. Ce serait qu'il y a une concurrence entre les différents spermatozoïdes des mâles, ce qui suppose donc qu'il y a plusieurs inséminations qui sont réalisées par les mâles chez la femelle. Oui, on a donc... des couvées qui sont plus fertiles si la femelle s'accouple avec plusieurs mâles. Ça, c'est un point. On a aussi une surveillance de l'accouplement qui augmente justement la probabilité de la copulation et aussi du succès reproducteur, sans aucun doute justement parce que les parents sont beaucoup plus alertes au niveau de la gestion, de la couvée. On a aussi quelque chose qui est sorti de cette étude, c'est la poursuite et l'optimisation des rapports sexuels chez l'oiseau, et aussi la poursuite de l'insémination artificielle qui apparemment marche pas très bien, il faut le dire, mais qui, lorsqu'elle marche, donne de bons résultats. Elle est testée depuis 2008 chez le Strigops cacapo. On parlait aussi d'incubation dans la première partie de l'émission. Il faut savoir que 73% des œufs des cacapos sont incubés, passent à l'incubateur avant d'être remis dans le nid. Alors, qu'est-ce qui se passe? Admettons que vous avez 4 œufs, ce qui n'est jamais le cas, hein. Les cacapos, généralement, ils pondent 1, voire 2, exceptionnellement 3 œufs. Ils retirent 1 ou 2 œufs, ils mettent des faux. Ils mettent les œufs en incubateur et ensuite, une fois qu'ils sont très très proches de l'éclosion, eh bien, ils remettent les œufs dans le nid. Mais on s'est rendu compte eh bien, que cela pouvait être peut-être un problème vis-à-vis de la reproduction de l'oiseau. Donc voilà, une étude qui était assez intéressante, qui met en évidence plusieurs points, qui montre encore une fois que même si on veut conserver un animal, qu'on fait tout correctement, eh ben, on n'a rien de mieux que finalement la nature pour pouvoir réaliser au mieux, de la meilleure des façons possibles, eh bien, la reproduction et le succès reproducteur de certains oiseaux. À noter aussi, ils en parlaient, que l'individu devient adulte au bout de 73 jours, mais devient réellement indépendant à partir de 279 jours, c'est ça ? 273 jours. Donc, rendez-vous compte, c'est particulièrement long. Oui. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un oiseau, on va dire, très particulier, le Strigops cacapo. Et c'est un oiseau, en tout cas, qui fait l'objet d'un programme de conservation particulièrement, particulièrement important et avec un succès plutôt important, surtout depuis 2002, où on a commencé vraiment à avoir des périodes de reproduction avec des individus qui étaient qui pondaient beaucoup d'œufs, et on a souvent tous les 2 ou 3 ans des checklists qui sont faites sur les réseaux sociaux en mettant les œufs qui ont été récupérés et notifiés et tout ça. Et on parlait du suivi de cet oiseau. Le cacapo est extrêmement suivi par les chercheurs. Ils sont suivis par justement GPS. Il y a un suivi GPS qui est opéré. Tous les oiseaux, alors pas tous les oiseaux, je crois. Peut-être que maintenant c'est le cas, mais en tout cas dans les années 2010, au début des années 2010, c'était pas le cas, ont un transmetteur GPS qui permet de les signaler sur l'île. Y a des prises de sang qui sont réalisées pour savoir si l'oiseau est en bonne santé. Bref, des choses que l'on réalise aussi lors de bagages traditionnels, par exemple. Mais voilà, le suivi, il est extrêmement, extrêmement spectaculaire, à tel point que si vous voulez rentrer sur l'île, vous devez, alors peut-être que ça se fait pour d'autres programmes de conservation, mais je ne pense pas que ce soit le cas, parce que le problème, en fait, de la disparition du cacapo, c'était surtout que ces œufs étaient mangés par des rongeurs. Et donc, pour éviter, justement, d'introduire des rongeurs ou des parasites sur les îles qui pourraient avoir, rendre problématique la visite de la personne, eh bien, on oblige les personnes, notamment, à se désinfecter intégralement avant, justement, de se rendre sur les îles où figurent les différents cacapos. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment un état de la conservation animale particulièrement intéressant de suivre l'histoire du Strigops cacapo. Sachez enfin que vous pouvez acheter, ou plutôt devenir partenaire d'un cacapo. En échange d'une petite somme d'argent, vous pouvez lui donner un nom, et ce cacapo, eh bien, aura votre nom. Voilà, ça se fait sur le site du Cacapo Recovery Group, si jamais vous voulez devenir partenaire de ce beau projet qui, on l'a dit, hein, ne représente que 207 individus, ce qui est très très peu, même si, comme on l'a dit, il y a énormément de choses qui font que l'oiseau est, l'oiseau a un succès, l'oiseau a plusieurs difficultés pour pouvoir se reproduire, mais ça reste quand même des chiffres assez faibles compte tenu, ah, c'est pas beaucoup, compte tenu de la, c'est sûr. Compte tenu du nombre d'espèces, voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le Strigops cacapo. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur la fin, veuillez m'excuser, mais voilà ce que j'avais à vous dire donc sur cette étude du 3 février 2023. Bah, c'était super intéressant. Hidden Impacts of Conservation Management on Fertility of the Critically Endangered Cacapo. Voilà, voilà. C'est un super oiseau, ça. Moi, je l'adore. Il est trop bien. Ah, c'est super, ouais. Moi, je l'avais découvert dans le documentaire Les Derniers de leurs Espèces, qui s'appelle The Last Chance to See en anglais, où un cacapo du nom de Sirocco, c'est le plus connu d'entre eux, s'accouplait, entre guillemets, s'accouplait avec la tête... du zoologiste Mark Cowardine. Je vous invite à revoir cette vidéo qui est devenue virale sur le net et culte. Et c'est aussi grâce à ça qu'il y a eu un coup de projecteur sur ce programme de conservation. Parce que on le précise pas, mais il y a des dizaines, des centaines, des milliers de programmes de conservation qui sont réalisés sur la planète. On parle d'oiseaux, mais il y a énormément de programmes de conservation et de réintroduction qui sont réalisés pour d'autres espèces, dont on n'entend malheureusement pas suffisamment parler. Donc voilà, c'est aussi important de mettre au crédit ces programmes, et mettre au crédit aussi la personne qui a lancé ces programmes, Don Merton, pour le cacapo en tout cas, qui a notamment découvert le système de LEC chez les cacapos, mais qui est le grand artisan de ce programme de conservation qui s'est éteint malheureusement en 2011. Voilà. Hélas. Ah, en tout cas. Personne n'est éternel, malheureusement. Non, non. Bah, au moins, son travail lui survivra. Ça, c'est bien. Son travail lui survivra. Et d'ailleurs, on pense que certains cacapos seraient capables. On ne sait pas si on le verra un jour. Moi, je ne le verrai pas, en tout cas. On pense que le cacapo pourrait dépasser la centaine d'années de longévité, d'espérance de vie. Donc, c'est plutôt... C'est un psittacidé, mine de rien, c'est un perroquet. Les perroquets sont réputés pour avoir une espérance de vie qui est assez incroyable. Sachez que pour les aras, on peut aller jusqu'à 80 ans facilement, hein, peut-être même un peu plus, si vous les gardez en captivité et que vous les soignez bien. Il est possible qu'ils vivent plus vieux que vous. Donc, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il est important de préciser pour tous ceux qui ont des perroquets ou qui souhaitent prendre un perroquet avec eux comme animal de compagnie à la maison. C'est un oiseau qui va possiblement vous survivre, et donc il va falloir prendre ça en compte si vous en adoptez un, hein, pour que peut-être vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants, bah, s'en occupent correctement après ça. Voilà. Donc la majorité des perroquets que nous on récupérait quand je travaillais en zoo, et que du coup bah, y avait des perroquets qui étaient donnés par des membres du public, c'était des perroquets qui venaient parce que leur maître ou leur maîtresse était mort, et du coup les enfants, les petits-enfants n'en voulaient pas, personne ne voulait du perroquet de la grand-mère ou du grand-père, et bah il atterrissait au zoo, et puis il était littéralement abandonné sinon. Donc pensez-y, si vous prenez un perroquet, ça vit vieux. Ça vit très vieux. Et ben voilà, c'est sur ce conseil que nous allons conclure cet épisode du Courrier de la Sterne. Un très grand merci à toi, Sophie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter ? Non. Ça ira. Merci à toi, Florian. C'était gentil. Et ben merci beaucoup. On te retrouve bien évidemment sur Entracte Science, @leplumeau. On te retrouve également sur Twitch depuis quelques temps. Oui. Où tu fais quelques lives régulièrement. Les mardis, c'est ça, principalement ? Oui, les mardis vers 14h, souvent. Voilà. Venez nombreux. Divers sujets, ça ne parle pas que d'oiseaux, mais n'hésitez pas à venir, bien évidemment. Et nous, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Un grand merci à vous de l'avoir écouté. On vous donne rendez-vous donc dans 7 jours pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.